Moi, arrivé le premier jour la France, le mois de novembre 2017, j'étais en Haïda comme les autres, comme les Africains, moi, Africain. Après, moi, arrivé en France, en Haïda, le premier jour, demande d'asile comme les autres. C'est convocation en la préfecture. Moi, j'ai été en la préfecture. Procédure Dublin. Moi, jamais entré en tribunal administratif en Algérie. C'est en France, après 4 mois, entré au tribunal administratif et pointé chaque jour en la police. Est-ce que c'est comme ça la France? Ben oui, faut croire. Ah, mais écoute, Malheureusement. non, écoute-moi. Ouais, je t'écoute. Aussi, moi, entré en la préfecture, en côté pour des demandeurs d'asile. Il y a une femme là-bas, parce que moi, je suis algérien. Pas respecte-moi, ouais. Normalement, un traducteur pour moi, parce qu'on connaît rien la langue française. Ouais. Oh, non, la première fois par arriver en France. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, merci. Et toujours, ramène les papiers et signe seulement. Moi, je connais rien. Et signe ici, pointé, c'est bon. Oui, c'est ça. Normalement, j'ai besoin d'un traducteur pour comprendre c'est quoi les papiers, c'est quoi, ouais. Et après 45 jours, la préfecture, des fiches pour signer en la police. Ouais. Chaque jour pointé en la police. Moi, c'est pas touriste. Moi, un citoyen comme les autres. Ouais. Est-ce que c'est ça la liberté, le pays de la liberté comme ça? Égalité, fraternité, liberté. Hein? Est-ce qu'il y a égalité? Est-ce qu'il y a égalité aussi? Je crois pas non plus. Difficile. Difficile, Oui, difficile. ouais. Oui.